Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Romain Gary, l'homme qui inventait sa vie. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Quand Émile Ajar reçoit le prix Goncourt en 1975, on ignore encore que derrière Émile Ajar se cache Romain Gary. Romain Gary est à ce moment-là un auteur déjà bien établi. Il a lui-même reçu le prix Goncourt en 1956 pour son roman Les racines du ciel. Romain Gary, alias Émile Ajar, va donc devenir le premier et le seul auteur à recevoir deux fois le Goncourt, puisqu'en principe, le prix ne peut être remis à un même auteur qu'une seule fois. L'affaire Émile Ajar est en soi une histoire extraordinaire. Il s'agit probablement de la plus grande supercherie ayant secoué le monde littéraire français au 20e siècle. Mais l'histoire de Romain Gary ne s'arrête pas là. C'est aussi celle d'un homme dont la vie sera étroitement liée à l'histoire du 20e siècle, justement. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e, à pied. Et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus. Et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. La vie devant soi, prix Goncourt 1975. Mais votre vie elle-même a été un roman. Oui. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, vous avez fait tant de choses dans votre vie, vous avez été 15 ans, 8 ans aviateur, pilote de guerre, vous avez été 15 ans diplomate, vous êtes romancier, vous avez été aventurier dans le sens honnête du terme. Mais j'ai été beaucoup aidé ou handicapé par l'histoire. Je ne sais pas si ça m'a aidé ou non, mais enfin, j'ai été quand même très malmené par l'histoire, à laquelle en même temps je dois la contrepartie, c'est-à-dire beaucoup. Romain Gary, au micro de Pierre Jeancard à l'émission Entretien en septembre 1975. Juste avant, vous entendiez l'homme de théâtre Wajdi Mouawad lire un extrait du roman La vie devant soi d'Émile Ajar à l'émission Nuit blanche en 1997. Pour nous parler de Romain Gary, évoquer quelques aspects de cette vie extraordinaire qu'il aura, je reçois Laurent Sexic qui vient de publier chez Flammarion Romain Gary s'en va en guerre. Laurent Sexic, bonjour. Bonjour, Jacques. La guerre dont vous parlez, qu'évoque le titre de votre roman, bien sûr, c'est la guerre au réel que Romain Gary va d'une certaine manière mener toute sa vie. On va y revenir dans un instant avec l'affaire Ajar, avec le mensonge aussi autour de son père. Mais je veux d'abord vous entendre me parler de Romain Gary. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors Romain Gary représente à la fois cet immense écrivain qu'il représente pour nous tous, cet écrivain à deux voix, cet écrivain qui a tout vu, qui a tout fait, qui a tout parcouru. Il l'a dit, l'histoire l'a à la fois aidé, l'histoire l'a bousculé, mais ses romans nous aident et ses romans nous bousculent. Il représente personnellement quelque chose d'aussi assez intime, parce que j'ai grandi et j'ai vécu à Nice, là où il a écrit La promesse de l'aube, cette promesse de l'aube qui raconte Nice. Je vivais en face de l'église russe et du lycée du Parc Impérial, tellement associé à La promesse de l'aube, ouais. Et je me souviens précisément de ces moments où j'étais étudiant en médecine. Mon père me promettait une belle carrière de médecin face à l'église russe au lycée du Parc Impérial. Et moi, je rêvais déjà d'être écrivain. Je rêvais d'une destinée avant qu'elle ne fût tragique à la Gary. Attaquons-nous au mensonge. Ce fameux mensonge qui va l'accompagner toute sa vie dans sa création, ce mensonge qui est au fond cette guerre au réel qu'il mène constamment. Il y a d'abord un premier exemple formidable, c'est la création d'Émile Ajar, qui est plus qu'un pseudonyme, qui est un personnage créé par Romain Gary, qui va être personnifié par un cousin, un petit cousin, Paul Pavlovitch, qu'on écoute d'ailleurs ici, Paul Pavlovitch, répondre aux questions de Bernard Pivot à l'émission Apostrophe en juillet 1981. Vous avez été aussi, vous, un fantastique comédien, parce que n'oublions pas que, donc, pour l'éditeur, le Mercure de France, c'est vous qui avez signé les contrats. Et puis, peu à peu, vous avez accordé une interview, on a vu quelques photos de vous, vous avez été découvert, vous avez dû accorder, en très peu, il est vrai, mais enfin une ou deux interviews. Vous avez vous-même refusé le prix Goncourt. Enfin bref, vous étiez Émile Ajar. J'étais pas tellement bon comédien. Quand les gens m'interrogeaient ou quand ils voyaient Ajar dans moi, il n'était même pas question d'être un bon comédien. Écoutez, ça suffisait. J'étais une image qui marchait. Et ils arrivaient avec leur certitude. Je ne veux pas dire qu'ils étaient des couillons. Je dis simplement que la fiction de qualité suffisait. Et que dans la mesure où j'étais suffisamment articulé pour pas laisser paraître des trucs béants de stupidité ou... Écoutez, référez-vous à vous-même quand vous m'avez rencontré. Ça vous paraissait plausible. Bien sûr. Par l'effet de l'œuvre. Oui. Pas par mon effet. Quand Romain s'est donné la mort, est-ce que vous êtes dit tout de suite, Ajar est mort, qu'est-ce que je vais être? Non, je me suis dit, Romain est mort. Je me suis dit que c'était catastrophique. Je n'ai pas pensé à Ajar. Je vais vous dire, Ajar, je m'en suis toujours fichu. Par contre, Romain, non. Comment éclate la vérité, Laurent Seksik? À quel moment on réalise que derrière Émile Ajar se cache Romain Gary? Est-ce que c'est au moment de cette entrevue de Bernard Pivot avec Paul Pavlovitch à Apostrophe? Absolument, c'est là qu'éclate, mais c'est un coup de tonnerre, un double coup de tonnerre, c'est-à-dire quelques mois après le suicide de Romain Gary, dont on ignore finalement les raisons, dont on reparlera plus tard, je crois, il y a ce deuxième coup de tonnerre qui fait peut-être encore plus de bruit. Pour la mystification peut-être, mais aussi parce que chacun est saisi par l'ampleur du drame et par l'ampleur de cette splendide mystification, de ce coup de pied et en même temps de ce coup de maître. Mm-hmm. Là, on voit toute l'émotion aussi d'un homme qui a été à la fois la marionnette et aussi, je parle de Paul Pavlovitch, et aussi qui a tenu les rênes, qui a tenu la plume pour Gary, qui est un homme bouleversant. Moi, c'était le premier lecteur de mon roman. Donc 40 ans plus tard, j'ai tenté avec Romain Gary s'en va en guerre de raconter l'enfance de Romain Gary à celui qui l'avait incarné, à Émile Ajar. Et combien a été émouvante ses lettres et combien a été émouvante sa lecture. Donc l'histoire en quelque sorte n'en finit pas de se perpétuer. Mais là, on apprend la vérité et c'est presque un drame national. Ouais. En effet, c'est un homme qui a eu deux fois le prix Goncourt et on apprend, on va tout doucement, parce que maintenant encore, 40 ans après, tous les secrets ne sont pas totalement révélés, et on apprend ce qu'a été cet homme et ce qu'a été la vérité de Romain Gary. Il y a quelque chose, vous le disiez, mais il y a quelque chose de génial d'avoir réussi ce coup-là. Il y a quelque chose aussi, pour le milieu littéraire, j'imagine, d'un peu vexant de ne pas avoir deviné. C'est une telle supercherie géniale, mais ça reste un formidable pied de nez au monde littéraire, non? Oui, et en même temps, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que il faut imaginer dans les années 70, Romain Gary se sentant totalement impuissant face à ce monde littéraire-là et face à sa propre écriture. C'est-à-dire qu'on ne le lit plus, c'est-à-dire qu'on le critique à peine, c'est-à-dire qu'on l'a rangé au rang des vieilleries. C'est-à-dire que 20 ans après qu'il ait eu le prix Goncourt, on ne le regarde plus qu'avec mépris, on ne le salue plus. Pratiquement plus. Il publie chaque année un livre. Il est au désespoir. Et ce qu'il fait est absolument exceptionnel. Il choisit de se réinventer. Mm-hmm. Mais pas comme une mystification. Comme une renaissance. C'est-à-dire que pour être lu, pour être... Et aussi pour percevoir lui-même, dans sa propre intimité d'écrivain, une fougue, une force, la puissance d'écrire qu'il avait lorsqu'il avait 30 ans, ou un peu plus, lorsqu'il écrit La promesse de l'aube, il se réinvente. Il réinvente évidemment un paravent, il réinvente un nom, Émile Ajar, mais ce n'est pas là le souci, il réinvente une langue. C'est-à-dire qu'il a la ressource de puiser dans les forces de son adolescence pour réécrire les romans qui ont fait son succès, comme La promesse de l'aube. Donc il le fait d'abord par nécessité, ça c'est intéressant. Et ce que vous nous dites aussi, c'est que bien qu'il y ait, d'ailleurs il s'en amuse, de fortes ressemblances entre l'œuvre de l'un et l'autre, ce sont quand même deux œuvres distinctives. Ce sont deux œuvres qui n'ont à la fois, en effet, rien à voir dans le style. C'est-à-dire que c'est un style d'une modernité absolue. Il faut relire aujourd'hui. Moi, j'ai relu dans l'avion La vie devant soi. C'est quelque chose d'éblouissant. C'est quelque chose qui nous parle. C'est quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qui s'écrivait à l'époque. Moi, j'imagine le choc des membres du Goncourt lisant cela, cette modernité. Ils ont en effet découvert un nouvel écrivain. Ouais. Cette nouvelle écrivaine, c'était un vieil écrivain. Et ça, c'est une charnière, évidemment, parce que un problème pour lui, pour Romain Gary, il est en lice. Et il va le gagner en 75 pour le prix Goncourt. Et c'est là où apparaît, à ce moment-là, il faut trouver une solution. C'est là où apparaît Paul Pavlovitch, cette espèce de doublure de Romain Gary. Écoutez ce petit montage préparé à l'émission Carnet, Arts et Lettres du 18 novembre 1975, au moment où le Goncourt lui est attribué. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à M. Émile Ajar pour son roman intitulé « La vie devant soi ». Tout le monde a discuté là-dessus, mais quelle importance? Au contraire, je trouve que c'est très bien, justement, qu'on ne se soit pas préoccupé de savoir qui est Ajar. Mais à côté de ça, il a dit qu'il n'en voulait pas du Goncourt. Hein? Il ne l'a pas dit. Il ne l'a jamais dit. On lui a fait dire. Il ne l'a jamais dit. Pourquoi se cache-t-il, selon vous? Demandez-lui. Michel Cournot est le directeur littéraire d'Émile Ajar, au Mercure de France. Il parle de l'auteur invisible et doué de l'année. Émile Ajar est un garçon qui a, je crois, 35 ans, qui est né à Nice. Son père venait du Proche-Orient. Sa mère de Yougoslavie, avec de descendance juive. Et les parents, je crois, ont eu une vie très difficile au début dans l'hôtellerie. Il ne se cache pas. C'est un terme tendancieux. Si vous voulez, il se cache, mais simplement, il a besoin d'être seul. Vous savez, nous sommes assez susceptibles là-dessus parce qu'en France, le droit à l'anonymat est absolument prévu par la loi et doit être respecté absolument quand un auteur le demande. L'éditeur, à ce moment-là, en est responsable, beaucoup plus responsable vis-à-vis de l'auteur qui veut rester anonyme que vis-à-vis des autres. Qui sait quoi? Il y a des doutes. Hein, on en parle au moment du Goncourt, on vient de l'entendre. Oh, est-ce que c'est important vraiment de savoir qui est l'auteur véritable? Et puis il y a Paul Pavlovitch qui fait son numéro. Qui sait quoi à ce moment-là? À ce moment-là, on sent les membres du Goncourt gênés. On le sent dans ses hésitations, dans ses justifications. Et en même temps, la force de l'œuvre est telle qu'ils sont dépassés. La force de la vie devant soi dépasse tout, écrase les doutes, écrase les craintes. Ce qu'il y a de terrible pour Gary, c'est que nul n'imagine réellement, à part un critique, qui était Mathieu Gallet, qui détestait d'ailleurs Gary, nul n'imagine à part Mathieu Gallet que cela peut être Gary. Et au contraire, on dit, vous avez vu, son petit cousin, qu'on appelle son neveu, quel génie par rapport à cet auteur vieillissant. Donc c'est une pierre qui écrase Gary. C'est pour cela que, quand je vous dis que ce n'est pas seulement une mystification, il n'y a pas la volonté de mystifier, il y a bien au contraire, ils sont dépassés par les événements. Tant Pavlovitch que Gary, il n'a jamais imaginé avoir le concours. Il a refusé pour Gros Câlin, un an auparavant, le prix Renaudot. Et là, il ne peut pas faire autrement. Donc ce n'est pas un plan calculé. Le seul plan calculé, c'est le plan du livre. C'est cette beauté, cette splendeur, cette puissance de l'auteur. Et là, tout à coup, commence l'enfer. Contrairement, c'est-à-dire que ce n'est pas, je ne le vois pas jubilant en train de. Évidemment, il y a la jubilation est dans le livre, mais c'est la surprise, c'est l'étonnement pour Gary et c'est le début du désespoir. Ouais. C'est le début d'une machine qui commence à le dépasser. Cet être qu'il a créé commence à le dévorer. Pris à son propre piège. Je vous écoute au fond en préparant l'émission, ça ne m'était pas venu, mais il y a quelque chose de Cyrano dans ce que vit Gary au fond. Dans ce que vit Pavlovitch. Donc il y a cet homme de l'ombre. Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il veut faire entendre uniquement sa voix, parce qu'il le dit d'ailleurs lui-même, on m'a fait une gueule. Donc c'est exactement ça, c'est Cyrano, on lui a fait une sale gueule. Ce qu'il faut aussi retenir et savoir, c'est qu'en 1956, lorsqu'il a pour son premier concours Les Racines du Ciel, il doit s'excuser de la modernité de son écriture. On le traite de métèque à l'époque. On lui dit, vous ne pouvez pas avoir le Goncourt parce que vous n'êtes pas réellement un écrivain français. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet homme qui s'est inventé deux fois, qui a inventé deux langues, le français n'est pas sa langue natale. Ouais. Il vient du ghetto de Vilno. Il vient de la langue yiddish. Il vient du polonais et du russe. C'est une langue qu'il a apprise sur le tard, adolescent. Donc tout cela témoigne du génie de cet homme. Ouais. En même temps qu'il le fait, vous nous l'avez bien dit, qu'il invente Ajar par nécessité, en même temps, vous venez de nous le dire aussi, qu'il lui coûte de voir cette doublure, ce pseudonyme, recevoir plus de gloire que lui n'en reçoit maintenant. Il y a quand même, je reviens au moment où il écrit à la fois La vie devant soi, l'histoire de ce... Il écrit la même année, l'histoire... Émile Ajar écrit l'histoire de ce jeune gamin qui a la vie devant soi, et Romain Gary écrit tout à côté, en même temps, l'histoire de ce vieil homme, amoureux d'une femme qui est sa cadette de 40 ans et qui est obsédée par la mort, il a quand même dû avoir quelque chose de très jouissif pour lui. Absolument. Il y a à la fois... Alors ça témoigne de la puissance d'écriture, de la puissance de cet être. Pouvoir écrire deux romans, l'un, celui d'un homme, comme vous l'avez dit, au fait de son existence, et lui, et l'autre, celui d'un gamin au début de sa vie, la promesse de l'aube en réalité. Il y a là une puissance qui est inégalée. Écrire avec deux langues, deux histoires d'une même main la même année, c'est exceptionnel. Et en effet, c'est quelque chose qui a dû le griser, qui a dû le fasciner. On sent cette jubilation dans les deux, d'ailleurs. Ouais. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on a encensé la vie devant soi et qu'on a laissé dans un espèce de mépris au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Alors que ce sont deux livres qui ont d'ailleurs des points communs. Ce qu'il reproche aussi aux critiques, c'est de ne plus le lire. Ô combien il aurait rêvé d'être démasqué à ce moment-là. Ouais. L'autre grand mensonge, et c'est le point de départ de votre roman, Romain Gary s'en va en guerre, c'est le mensonge autour du père. Quel est ce mensonge, Laurent Sexic, et que cache ce mensonge? Alors en effet, Romain Gary a toujours prétendu, jusqu'à ces derniers jours, d'ailleurs dans son entretien qu'il accordait à Roger Grenier à Montréal, je crois, son dernier entretien, il dit « Je suis né de deux parents qui étaient des acteurs russes ». Il a toujours dit tout au long de son existence que son père était le plus grand acteur russe du cinéma muet, Ivan Mozhoukine. Il l'a toujours laissé entendre, ou il n'a jamais nié. Dès l'âge de 14 ans, lorsqu'il est à Nice, sur la promenade des Anglais, face à l'hôtel du Negresco, il voit cet immense acteur russe et il dit à ses camarades de classe, vous voyez au loin là-bas, Ivan Mozhoukine, entouré de starlettes, avec sa bague, avec son manteau de vison, c'est mon père. Ouais. Mais nous avons convenu d'un pacte, comme je suis son fils illégitime, je n'ai pas le droit d'aller l'embrasser. C'est le premier roman de Gary à l'âge de 14 ans qu'il va écrire durant toute son existence. C'est un usage de faux. L'histoire est beaucoup plus terrible et en même temps beaucoup plus romanesque. Son père n'est qu'un petit juif fourreur du ghetto de Vilno et il aura un destin autrement tragique que Ivan Mozhoukine. C'est l'histoire de Romain Gary s'en va en guerre. C'est l'histoire de mon roman. Oui, parce que son père finira au fond dans un camp de concentration à Auschwitz. Un mot encore rapidement sur ce premier mensonge. Vous dites, on a beaucoup parlé de la mère de Romain Gary, de la présence de sa mère, mais au fond, vous dites, cette absence du père est pour lui un aussi grand, peut-être même un plus grand moteur. Moi, je crois que ce souci, ce besoin de reconnaissance éperdue qui l'a entraîné à créer un pseudo, vient de ce besoin de reconnaissance qu'il avait du père et qui n'a pas été tenu. Ouais. Et c'est à la source de Romain Gary s'en va en guerre, ce roman. Autre figure importante, je ne sais pas si on peut parler, puisqu'on était dans le mensonge et la quête, au fond, du père qui a été absent. Autre figure importante pour lui, est-ce une figure paternelle, celle du général de Gaulle? On écoute Romain Gary raconter sa première rencontre, c'est pas banal, vous allez voir, avec le général de Gaulle, à l'émission « Propos et confidences ». Je vous ai dit qu'en arrivant en 40 à Londres, je voulais surtout me battre. Et j'ai été délégué par des camarades auprès du général de Gaulle pour qu'au lieu d'attendre la formation des escadrilles françaises sous l'influence de son chef d'état-major, qu'il nous laissa de partir individuellement dans les escadrilles anglaises. Ma première rencontre avec le général de Gaulle a été extrêmement pénible. Je suis arrivé, j'entre dans le bureau, je salue, garde à vous et tout ce qu'on veut. Il me dit, vous voulez partir vous battre? Bon, partez, très sec. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire tuer. C'était évidemment très dur et assez vache, mais comme le général était un homme de cœur, de grande délicatesse, et de beaucoup de tact, et ça lui avait échappé dans le moment d'irritation, il a voulu se rattraper, mais comme ce n'était pas un homme qui s'excusait, je venais d'atteindre la porte, je venais de mettre la main sur la poignée de la porte, lorsque j'entends le général me lancer, « D'ailleurs, il ne vous arrivera rien ». Il n'y a que les meilleurs qui se font tuer. Depuis, jusqu'à la fin de ses jours, il a bien voulu me témoigner d'une extrême sympathie et gentillesse. Et chaque fois que je publiais un livre, il m'écrivait une longue lettre. Et ce qui est peut-être le plus touchant, ce n'était pas le contenu de la lettre, c'était de penser qu'il adressait l'enveloppe lui-même. Il ne donnait pas à une secrétaire, il écrivait la lettre à la main, et l'adresse sur l'enveloppe à la main de son écriture lui-même. Quelle importance aura de Gaulle pour Romain Gary, Laurent Sexic? Quel genre de rapport ils auront l'un et l'autre? Alors en effet, là on voit qu'il y a une espèce de respect, d'admiration, et en même temps, il a toujours nié être en quête du père. Ah bon. Il a toujours nié cette quête du père de Gaulle, du père de la nation. Et c'est assez paradoxal, parce qu'il y a ce souci de l'impressionner, il y a ce souci qu'il réponde à ses livres, il y a cet enthousiasme quand il reçoit la lettre. C'est un enfant qui en effet reçoit son bon point, reçoit sa félicitation de son père. Mais je crois qu'il était comme cela avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il avait ce souci de reconnaissance, et avec Malraux et avec Camus, et quelque part il aurait reçu la même lettre de chacun de ses lecteurs, cela l'aurait comblé. Simplement, il avait un tel sens, un tel don pour raconter des histoires, que de chaque histoire, celle avec De Gaulle est une des plus exemplaires, il faisait un roman. Donc moi et De Gaulle, c'est un roman. Moi et ma mère, c'est un roman, parce qu'il aura fait de sa mère un personnage de roman. Moi et mon père, ce n'a pas été un roman. C'est la seule ouais. personne dont il n'aura jamais parlé. Une page dans La Promesse de l'Aube qui en contient 350, d'où ce Romain Gary s'en bat en guerre. C'était combler ce vide. Mais de chaque passage, de chaque période de son existence, de Jens Hyberg évidemment, il fera un roman. Il réécrit sa vie à chaque roman nouveau. C'est un conteur, ouais. avant tout. C'est un homme qui, avec la puissance créatrice de sa mère, a fait des dizaines de romans. Ouais. C'est un homme qui se nourrit de sa propre existence pour enjoliver, pour enchanter l'existence à travers de nouvelles histoires. Vous parliez, vous évoquiez Jens Hyberg, avec qui il passera quelques années. Elle va se suicider à peu près un an avant Romain Gary. Il va se défendre, il va laisser une note en disant, pour expliquer son suicide, en tout cas en disant « aucun lien ». Avec Jens Hyberg. Il se suicide tout de même, donc, le 2 décembre 80. Pourquoi est-ce qu'on sait ce qui le pousse au suicide? Là, c'est un homme qui a perdu la guerre, Romain Gary. C'est un homme qui, en effet, se dénie. Ce n'est pas parce que ma femme s'est suicidée il y a un an que je me suicide. Cela tient du déni, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des sources extrêmement vives, là. Ouais. Mais il y a autre chose. Il a cette peur d'être reconnu pour Émile Ajar, qui le terrorise. Réellement, cette peur était fondée, puisque lorsque l'on va savoir, après sa mort, qu'Émile Ajar c'était lui, il va être couvert de boue. Ouais. Il faut imaginer les torrents de boue qui vont déferler, qui vont salir sa mémoire, lorsque l'on va découvrir cette mystification qui tient du génie. Mais il y a le profond désespoir d'un homme qui a aussi tout vécu, à qui tout a été donné. Il aura réalisé tous les rêves de sa mère, il aura réalisé tous les rêves d'un homme, ambassadeur, il l'a dit, compagnon de la libération, ouais. aviateur, un des plus grands écrivains français. Et pourtant, après avoir tout vu, après avoir tout fait, après avoir réalisé tous les rêves de celle qui l'a sans doute chéri le plus dans l'existence, il met un terme à sa vie parce que sans doute plus rien n'est possible et plus rien n'est envisageable à la hauteur de ses rêves. Laurent Sexic, merci infiniment d'être venu nous voir, c'était passionnant, merci. Merci à vous. Laurent Sexic, je vous le rappelle, donc auteur du roman « Romain Gary s'en va en guerre » publié chez Flammarion. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.